parle de Dieu, certains s'en enchantent, pour d'autres ça choque. L'essentiel étant les choses positives que cela nous rapporte. On reconnaît l'arbre à son fruit, cet écrit ne vient pas de moi mais de Jésus le Christ. Quelle époque de fou que l'on vit, là on se sent souvent gêné, obligé de se cacher pour prier, pleurer ou non. Frères et sœurs métissés, aux appels nous voyons patron, leur photo d'identité. Violence médiatique, l'humain en perte de sens, une politique qui n'arrive à s'entendre, à faire étendre sur le monde la paix qui souvent prétendent. Louange à Yahvé notre Dieu, tout puissant et miséricordieux, car lui seul veille sur les cieux et sur la terre notre mère, car il surveille tous ces lieux, du plus haut des montagnes au plus profond de la mer. Louange à notre Père le Créateur et à Jésus, ton Fils unique, notre Sauveur. Car il donne son amour à chaque homme et lui procure le bien-être. Il active les atomes et fait tourner les planètes. Invisible à nos yeux, il se révèle à notre esprit. Il fait en sorte qu'on soit heureux et que l'amour n'ait pas de prix. Oui, ce monde a une apparence brillante, beaucoup de choses sont tentantes, mais amères en sont bien souvent les conséquences. Non, nous ne sommes pas le fruit du hasard, car il n'y a pas de créature sans créateur. Regarde ton corps, la perfection des couleurs, des fleurs, les animaux, la montagne, la mer, dans toute leur splendeur. Rap d'espérance, la foi est si importante, la voix si puissante. La souffrance, personne n'y échappe, la foi un bouclier, un rocher grâce à laquelle on se rattrape. En vérité, beaucoup ont tellement été trompés qu'ils ne croient plus en rien, d'autres n'espèrent plus, car ils ont tellement été souvent déçus. Y'a tellement de tristesse dans le regard fatigué, blessé de notre jeunesse, qu'il faut tout faire pour que cela cesse. Louange à Yahvé notre Dieu, tout puissant et miséricordieux, car lui seul veille sur les cieux et sur la terre notre mère, car il surveille tous ces lieux, du plus haut des montagnes au plus profond de la mer. Louange à notre Père le Créateur et à Jésus, ton Fils unique, notre Sauveur, car il donne son amour à chaque homme et lui procure le bien-être. Il active les atomes et fait tourner les planètes. Invisible à nos yeux, il se révèle à notre esprit. Il fait en sorte qu'on soit heureux et que l'amour n'ait pas de prix. Non, nous ne sommes pas des pions, des objets de consommation, mais des êtres vivants avec chacun une intelligence et des dons. Oui, l'humain est créé par amour pour le bonheur, mais faible est la chair face à l'ange déchu, le séducteur de ce monde qui a répandu l'horreur, le crime, le péché, convaincu que toute bonne action paie, qu'il y a qu'en faisant le bien autour de nous que nous serons un jour joyeux, satisfaits. Avançons sans crainte et sans peur, car la vie n'est qu'un passage et qu'ici-bas nous sommes que des voyageurs. Louange à Yahvé notre Dieu, tout puissant et miséricordieux, car lui seul veille sur les cieux et sur la terre notre mère, car il surveille tous ces lieux, du plus haut des montagnes au plus profond de la mer. Louange à notre Père le Créateur et à Jésus, ton Fils unique, notre Sauveur, car il donne son amour à chaque homme et lui procure le bien-être. Il active les atomes et fait tourner les planètes. Invisible à nos yeux, il se révèle à notre esprit. Il fait en sorte qu'on soit heureux et que l'amour n'ait pas de prix.